Le gâteau de fête d'Alphonse Karr. C'était le soir, la campagne, autour d'une table éclairée par une grande lampe. Chacun s'occupait à sa guise. L'un dessinait des bonshommes et des chevaux sur une feuille de papier, l'autre roulait et fumait des cigarettes de tabac turc. Celle-ci brodait, celle-là écoutait des choses probablement agréables qu'on lui murmurait à l'oreille. Une autre, une belle russe, lisait un livre qui semblait l'amuser. Moi, je parcourais le journal de Genève et je communiquais à haute voix à la société les passages qui pouvaient être intéressants. J'arrivais à celui-ci, relatif à la guerre d'Orient. La première affaire sur le Danube a donc été heureuse. Le passage s'effectue régulièrement. L'empereur, qui n'a fait que traverser notre ville pour aller voir le pont, a manifesté sa satisfaction. Il a voulu se rendre immédiatement à Galatz pour visiter les pauvres blessés de la journée. Ça a été non seulement une consolation, mais une grande joie pour ces malheureux qui adorent leur tsar comme un dieu. C'est vraiment une idolâtrie que ce culte du russe pour son maître. « Je comprends, » dis-je à la belle russe, qui avait levé les yeux de dessus son livre pour écouter ce que je lisais, « que vous sachiez grand gré à votre empereur qui accomplit, en délivrant les serfs, un acte noble et hardi qui lui assure une belle place dans l'histoire. Mais cette guerre... Ces blessés, qui ne seraient pas blessés si l'empereur ne s'était pas laissé entraîner à faire cette guerre, ne comprennent-ils pas qu'ils ont plus à se plaindre de celui qui les envoie recevoir les blessures que de ceux-là qui les ont faites? Que le véritable ennemi, sauf les cas de guerre défensive, est bien plutôt celui pour lequel que celui contre lequel on se bat? Et croyez-vous à la réalité de cette joie à la vue de l'empereur? Croyez-vous que c'est de bon cœur que ces pauvres mutilés l'appellent leur père, Batiushka? « Parfaitement, répondit la belle russe, c'est une religion, et si vous saviez d'autres langues que le latin et le grec, qui ne se parlent pas, et votre tyrannique et charmante langue française, je vous prêterai, quand j'aurai fini, l'ouvrage que je lis en ce moment. Vous y verriez, sous un côté comique, un exemple très exactement et très spirituellement présenté par un de nos écrivains de ce respect fanatique de l'autorité que vous autres français, vous ne comprenez pas plus que vous ne comprenez la langue russe. » Ce livre n'est-il pas traduit? Non, que je sache. Vous seriez bien charmante de nous en lire quelques fragments. Quoi? Traduire ainsi à l'improviste, sans préparation? Oui, à livre ouvert, comme vous nous avez chanté tout à l'heure cette mélodie de votre musicien Glinka. J'essaierai. Et la belle russe, reprenant son volume du commencement, nous lut en français une nouvelle russe tirée des récits d'André Petcherski, pseudonyme de Melnikov, tantôt sautant plusieurs feuillets, tantôt nous disant en 20 mots le contenu de 3 pages, tantôt au contraire, traduisant, je crois, textuellement certains passages et certaines scènes. Cette lecture m'intéressa vivement, et quoique j'aie à me défier du charme de la plus belle voix que je connaisse, et de la façon très intelligente dont la lecture était faite, je ne crois pas me tromper sur le mérite de la nouvelle et de l'écrivain. Le soir, rentré dans ma chambre, je pris des notes toutes fraîches et assez exactes, et j'espère faire partager mon plaisir à mes lecteurs, malgré les infidélités inévitables, d'une quasi-traduction faite de mémoire, d'après une quasi-traduction improvisée, de quoi je demande pardon à M. Melnikov, et je commence.